J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans ce 27e numéro de Comics Discovery, l'émission qui ouvre. Et je la vois déjà rigoler, je sais qu'elle va. Ça commence. Merci beaucoup, Faye. Vous l'avez entendu, je suis avec Faye. Salut Faye. Oui, bonjour James. Bonjour. Et c'est l'émission qui vous fait découvrir le monde du Faye. Je sais pas. Ouais. Du comics. Bon, du voilà. Comics. Merci, j'ai merci de Thomas. Le dire. À côté de moi, il y a Thomas. Bonjour à tous. Et à côté de lui, il y a. Mathieu, salut Mathieu. Salut à tous, ouais. Toi, maintenant tu fais même des trucs suspense pour qu'on dise nos prénoms. Bah oui, ça aurait pu être quelqu'un d'important, t'imagines. Vous avez passé une bonne semaine ? J'ai rien fait. C'est les vacances. Enfin, pour toi, c'est les vacances. La jeunesse française, voilà. Voilà. Ouais. Bah, j'ai regardé des séries sur Netflix. Ah, bravo, voilà. Voilà. C'est la meilleure façon de passer ses vacances. Et comme tu en. Bah, du coup, c'est une super transition. En fait, avant de commencer cette émission, j'avais envie de faire une petite annonce. Vendredi prochain, donc vendredi 14 avril. Bah, ce vendredi. Oui, ce vendredi, voilà. On va lancer une nouvelle émission. On va pas parler de comics. Cette fois, ça va appeler Geek en série, où on va vous parler de séries télé. Ce sera tous les 15 jours. Oui. Et c'est Faye qui présentera. Est-ce que tu veux parler vite fait de l'émission avec qui on fait ça, tout ça. Donc tous les 15 jours, nous vous parlons de séries télé accompagnés de Vincent et Jessica que vous connaissez si vous suivez la matinale donc de Radio Campus. Ouais. Et Vincent, vous connaissez puisqu'il est avec nous pour l'émission de séries télé. Tout à fait. Merci James. Et on va essayer de partager avec vous notre passion pour toutes ces séries magnifiques, dans la joie et la bonne humeur. Et on va parler de quoi dans le premier épisode qui passe vendredi ? Alors, nous parlons un peu de qu'est-ce que c'est de Serivore, comment on arrive à Serivore, comment on consomme les séries aujourd'hui. Ok. Mais du coup, c'est pour partager votre passion des séries télé ou votre passion de Buffy et de Star Wars Rebels ? Un peu des deux, de me concernant. Buffy, pas de Star Wars Rebels. On vous a l'œil. Hein. As-tu vu le final de la saison 3 Non, j'ai pas encore vu. Vas-y, non, mais le final, rien que le... accroche-toi pour le final. On ne parle pas de Star Wars. On va lancer les news et on va arrêter de parler Star Wars. Ouais. Allez, c'est parti pour les news. Bon, du coup, il est bien le final de Rebels, c'est ça. Ah ouais, il est trop bien, quoi. Bon, on va commencer ces news avec une petite annonce un peu. Je trouve ça un peu triste. Alors, c'est c'est par rapport au X-Men Gold numéro 1 qui cache un petit message un peu tendancieux, on va dire. Alors, dans le premier numéro de X-Men Gold, comme je viens de le dire, qui est écrit par Mark Guggenheim et dessiné par Ardian Siaf. Attendez, cette personne-là qu'il va falloir regarder d'un mauvais œil. Oui, je galère. Hein. Oui, non, mais j'attends voir comment tu vas t'en sortir en fait. Oui, parce que c'est un peu. Oui, enfin bon. C'est polémique. C'est un peu polémique. C'est un peu compliqué. Donc, le numéro fait parler de lui, mais pas forcément pour la qualité de son récit, puisque le dessinateur qui est indonésien a caché dans le comics des références à un mouvement de contestation musulman contre le gouverneur de Jakarta qui lui est chrétien. Donc, c'est des musulmans qui râlent parce que le gouverneur de Jakarta est chrétien. Et il râle parce que le gouverneur. Effectivement, alors en Indonésie, t'as 80-90% de musulmans, et le gouverneur qui est chrétien a pointé du doigt un passage du Coran qui dit, c'est le numéro 51, ce qui fait partie des chiffres cachés dans le comics, alors qu'en France, hein, 51 c'est quand même vachement plus sympathique, et qui en fait pointe du doigt le fait que les musulmans ne doivent pas être menés par des non-musulmans. Et donc ça a gueulé en Indonésie pour ça, et le dessinateur qui est pro-mouvement a effectivement caché 2-3 références à cette sourate et à ce fameux jour où il y a eu une manifestation. Ouais. Notamment via autour du personnage de Kitty Pryde dans X-Men qui est juive. Et donc, mais en plus il le désigne, on voit Kitty Pryde à un moment, c'est marqué juive juste à côté d'elle. Ouais, c'est marqué Joel. Ouais, c'est la même chose. Oui, non mais c'est fait exprès bien. Ouais. Ouais, alors c'est pas très fin. Oui, c'est pas très fin, et en plus malheureusement Marvel l'a pas vu passer. Non, ça a été tweeté après par des Indonésiens qui ont dit non mais vous avez vu ce que vous avez imprimé les gars ou quoi. Et en fait ils ont fait un message en disant on n'avait pas vu les références, on va les supprimer dans l'édition digitale et dans les futures réimpressions du donc dans les TPB et dans les futures réimpressions, et qu'ils allaient sanctionner l'artiste. Donc voilà, je trouve ça un peu triste de faire passer. Le mec a bousé sa carrière juste parce que. A priori c'est pas la première fois, il est coutumier du fait. Hein, mais, ah ouais, c'est pas. Ouais, il avait déjà eu deux trois. Ça sert à rien de le laisser sur des titres comme ça. En plus sur X-Men X-Men qui est vraiment un ode à la tolérance et au. Oui, et puis à la limite, en tant qu'artiste, si jamais tu as des messages à faire passer, tu les fais dans tes créations à toi éventuellement. Là, c'est un travail de commande, c'est peut-être pas le bon endroit. Ça se respecte, mais c'est pas le bon endroit. J'avais vraiment peur avec cette news, je savais pas où partir et Mathieu m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, merci à toi. Paix et prospérité. Exactement. Bon, on va passer à une autre news. Et non, pas de virgule. Voilà, c'est bon, il y a la virgule. Et bah, c'est Faye qui va nous parler de cinéma. Oui, alors on va commencer. De quoi ? De MTV. Oui, on va commencer avec quelque chose de très drôle. Donc, il y a eu cette semaine les nominations à la fameuse cérémonie. Alors, MTV Movie et maintenant Télévision Award. Okay. Et comme ils sont un peu rigolos chez MTV, ils ont essayé de tout mélanger. Donc, il n'y a pas de catégorie cinéma et pas de catégorie télé, c'est tout mélangé. Et au niveau du comics, eh bien, dans le film de l'année et pour le meilleur acteur, Logan est à l'honneur puisque donc Logan est nominé pour le film de l'année et Hugh Jackman pour le meilleur acteur. C'est un bon film mais quand même pas voilà. Alors attention, accrochez-vous, dans la catégorie meilleur vilain sont nominés Jared Leto pour Suicide Squad. C'est la seule nomination qu'il va avoir de... Et Jeffrey Dean Morgan donc pour son rôle dans Walking Dead. Oui, quand même, oui. Et je crois qu'il y a même le méchant de Stranger Things qui a rien à voir avec... Ah, mais c'est le meilleur des trois. Oui, bah, oui, je pense, oui, parce que entre un qui a un rire de vieille, et l'autre qui fait que se balancer d'avant en arrière avec sa batte, c'est vraiment du méchant de qualité. En vrai, je réfléchis, on n'a pas eu de grand méchant cette année. Non. Bah, vraiment Trump. Pas. Bah, Trump, oui. On peut pas. Pourquoi pas. Et dans la dernière catégorie qui a un rapport avec du comics, le meilleur héros. Donc parmi des gens aussi magnifiques que Jyn Erso, dont son DVD de Rogue One va bientôt sortir, vous retrouvez également Grant Gustin qui joue Flash, Mike Colter qui joue Luke Cage et Stephen Amell qui joue Arrow, donc meilleur héros. Voilà. Faites votre choix, vous pouvez voter, je crois, sur le site d'MTV. Je ne sais pas si c'est accessible en France, en tout cas, c'est super. On passe à une autre news de ciné, n'est-ce pas, petit James? On part sur le retour d'un grand auteur. Je sais qu'autour de la table, il y a beaucoup de fans de fans de Mike Mignola. Oui. Oui. Si tu fais oui de la tête, ça n'arrive pas à la radio. Oui, pardon. Oui. Donc, Junie aussi, il est pas là. Oui. Oui. Bah oui. Voilà. Et son esprit est avec nous. Voilà. Autour de Mike Mignola, parce que en fait, ça fait un moment qu'il avait quitté un peu l'industrie du comics, et il a dit qu'il allait revenir avec un prochain roman graphique qui va s'appeler Mr. Higgins Come Home, où malheureusement il sera que scénariste, puisque il va faire ça avec un artiste qui s'appelle Warwick Johnson Cadell-Swell. Donc je ne connais pas le travail, et ça nous parlera de chasseurs de vampires, de loups-garous tristes, avec plein de références aux vieux films de la Hammer et au film préféré de vampires de Mike Mignola. Je vous laisse deviner lequel. Moi je sais, toi tu sais, tu diras pas. Thomas, est-ce que tu as un film de vampire? Aucune idée. Celui de Carpenter? Non, celui de Polanski, Le bal des vampires. Un grand classique. Donc, qu'est-ce que vous typez même, moi, rien que le nom de Mike Mignola me hype. Donne-moi la sortie, l'endroit où je peux l'acheter, et puis c'est bon. Moi, j'ai jamais lu Hellboy, j'ai rien lu de Mike Mignola. Au revoir. Il est jeune, c'est pas sa faute. Bah, ce sera ton devoir pour la semaine prochaine. En fait, j'ai pas envie de télécharger, tu vois. Il faudrait que je l'achète, donc. Je te le prêterai. Je suis. Vas-y. Voilà, moi ça me hype, Mathieu. Mignola, Hammer, oui, c'est vendu, ça y est. J'ai vu les moi, films. T'as vu les films, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais il est insolent. Oui, je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Ok, on va passer à une deuxième news. Oui, et tu vas nous parler de Warner et de Batman et de non, tout. Pas encore. Je sais que j'avais deux autres news à faire avant. Tu m'as dit de faire un gros paquet cinéma. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Vas-y. Donc, pour la peine, voilà. Je vais très vite, je vais tout faire ensemble. Vas-y. Donc, on a des annonces de prochaines adaptations de comics au cinéma. Ouais. Avec d'abord la Paramount qui va adapter le roman graphique, The Pro de Garth Ennis, donc qui a fait Preacher. Oui. Voilà. Garth Ennis, c'est une bonne nouvelle. Pro, oui. C'est une prostituée très vulgaire qui se découvre des pouvoirs. Des pouvoirs, j'allais le dire. Et qui finit dans une espèce de Justice League parodique. Ouais, la Horror League, il me semble. Oui, ouais. Enfin, il y a un faux Superman, un faux Batman, et elle fout un bordel. C'est casse-gueule. Si jamais ça veut vraiment garder l'esprit du truc, c'est interdit au moins de 18. Deadpool sort à billes. Enfin, c'est vraiment crasingue. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie d'annoncée ni de réalisateur. Juste, ils ont acheté les droits. Okay. Et au niveau d'adaptation crade, je poursuis donc. Vas-y. Avec une nouvelle adaptation d'une œuvre de Robert R. Kirkman, donc qui a fait Walking Dead, Outcast, que vous pouvez voir aussi. Pour le coup, c'est pas crade du tout. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Oui, non, parce que Seth Rogen et son équipe ont décidé donc d'adapter le comics. Seth Rogen et Evan Goldberg, les deux personnes derrière Preacher. Merci James. Oui, c'était pour la précision. Donc ils vont adapter en film pour Universal le comics Invincible, et ils ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose de très trash et crade à la manière de Sausage Party. Ah d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez... qui c'est qui a lu Invincible? Moi j'en ai lu un peu. Non mais très bons échos. Non je l'ai pas lu, mais c'est dans un univers un peu trash. Enfin j'ai entendu que. Enfin ouais, j'ai lu des dessins. C'est une espèce de. C'est une relecture du. C'est une espèce de. Si tu veux je peux te dire c'est en fait l'histoire d'un gamin qui découvre que son père est un super héros. Lui aussi il a des pouvoirs et en plus apparemment il y a un mystère parce qu'une ligue de super héros va se faire tuer. En gros c'est les enfants. Ouais voilà c'est ça c'est exactement. Une sorte de Watchmen. Ouais non c'est. C'est une relecture du jeune super-héros, un peu à la Spider-Man. C'est vraiment cool. Il a créé tout un univers là-dessus. Il n'y a pas un Invincible à côté. Il y a Wolfman. Je crois qu'il y a un autre héros encore. Je m'y suis pas intéressé, mais. C'est vraiment cool. La série Trogan, j'aime beaucoup ce qu'il fait. La série s'est terminée en plus aux États-Unis, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une belle longévité, il me semble. Donc, ouais, il faut jeter un œil, à mon avis. Et Seth Rogen, moi j'aime bien Seth Rogen, même autour de ses films. Après, toute si, la je trouve qu'il est surtout alors, bon dans l'humour. Mais... J'ai détesté ce qu'il a fait pour Green Hornet. Ah, on va le punir. J'ai détesté son adaptation de Green Hornet. Excusez-moi. Oui, Green Hornet, désolé, c'était pas c'était génial. Pourri. Mais quand tout ce qu'il a fait, Freaking Geeks, je sais pas si vous avez vu la série de Judas Patrick. Il joue dedans, il est vraiment très bon c'est dedans. C'est son premier rôle avec. Sausage Party, c'est de la grosse merde. Sausage Party, c'est pas génial. Il y a que Preacher. Je l'ai pas vu, mais il a l'air trop bien. Il y a que Preacher où j'ai été étonné, tu vois. Après. C'est spécial. Bref, tu veux que je parle vite fait de Batman, la rumeur? Vas-y, ouais, tu peux enchaîner. Alors, eh bien, les amis. Voici un nouvel épisode de votre feuilleton, mais où qu'il est le film de Batman. Il faudra un jingle, non? Ouais, on en fera un bientôt. Faire un, ouais. Et oui, cette fois-ci, il y a une rumeur qui est apparue sur Reddit. Le truc pourri. Bon, soit pourri, non, c'est sympa, je suis méchante. Bon, allez. Une rumeur donc est apparue comme quoi, en fait, en 2019, pour les 80 ans de Batman, on aurait toute une série de films où on pourrait retrouver notre héros favori. Et ça commencerait au mois de février pour la Saint-Valentin avec Gotham Sirène, où on retrouvait donc Batman dedans. On aurait ensuite en mai Nightwing et le fameux film Batman qu'on attend toujours depuis très longtemps et qui Girl, sortirait aussi, en fin d'année. Ah oui, et Batgirl aussi, donc par Joss Whedon, si ça se fait, qui sortirait entre les deux, plus pour l'été. Ouais, ça fait beaucoup de Ben Affleck. Ça fait pas mal, ce que j'allais dire, quoi. Voilà, ça devient. Les mecs, ils annoncent 4 films d'un coup, ils en ont sorti. 4 films, mais que en 2019. Toute la même année. Que du Batman. Ouais, non, mais bien sûr. Que du Batman en 2019. Non, mais c'est des rumeurs. Ils ont sorti quoi cette année déjà? Bah là, cette année, ils vont sortir Wonder Justice sortir League. Non, il n'y a pas Justice League. Wonder Man et Justice League, ouais. Et l'année prochaine, me semble-t-il, c'est Aquaman. Ouais. Aquaman et il y a quoi d'autre? Il y a Flash qui va pas trop. Non, Flash a toujours Flash pas de. Flash est en production encore. Il a en rien du tout, Flash. C'est en pré-prod. Justice League Dark, c'est toujours. Ouais, mais moi, Justice League Dark, j'ai pas envie de le voir. Hein. C'est chiant en comics. Si c'était Guillermo del Toro, oui. Oui. Bah ouais, mais voilà, ils l'ont viré. En plus, sachez que c'est à cause de ce projet-là. J'ai lu récemment qu'il n'a pas fait Pacific Rim 2. Parce qu'on lui a proposé de faire celui-là, donc il a dit je peux pas faire les deux. Et puis après, il a rien vu. Voilà. Tu veux passer à une autre news avant que je passe aux news? Bah, je vais passer une news à moi, oui. Et moi je vais vous excusez-moi. Je pense que Marvel a enfin compris ce qu'on leur dit depuis des années, parce qu'apparemment il y a pas mal de revendeurs de comics qui râlent que les lecteurs sont perdus entre tous les crossovers chez Marvel. J'ai pas, il y en a eu 40 000 en, ils arrêtaient pas d'enchaîner entre les crossovers. Il y en a deux par an et c'est surtout les relaunchs. Effectivement, moi je suis même en X-Men, j'en lis depuis 20 ans, je suis perdu. C'est pour ça que j'ai décroché ils ont décidé, Alex Alonso a annoncé qu'ils avaient décidé qu'il n'y aurait plus d'events et de gros événements 18 mois après. Enfin, il lançait Secret Empire et après Secret Empire, il n'y aurait pas avant 18 mois. Ouais, tant mieux. Mais donc, ils peuvent arrêter d'en faire aussi. Non, parce que ça amène des gens quand même. Bah, je pense que le problème qu'ils ont aussi, c'est qui sait qui va les scénariser tous ces gros events. Parce que là, chez Marvel, t'as Brian Michael Bendis, qui est le mec qui fait les crossovers maison. Qui fait tout. Qui est derrière, les derniers, c'était Rick Remender, il s'est barré. Jonathan Hickman s'est barré. Et Jason Aaron a dit qu'il ne le refaisait plus. Ouais, voilà, il va rester. Charles Soule. Franchement, si Bendis, c'est une bonne nouvelle. Et Bendis, je sais pas si c'est une bonne nouvelle en plus. Bendis, il a fait que des bons titres et il est sur tout, quoi. Il fait que du bon taf. Il y a des trucs très bien chez Bendis, mais il y a des trucs moins bien chez Bendis. Qu'est-ce qui est nul? Enfin, parce que moi, pour l'instant, les X-Men, ils sont pas bons. On se fait chier. All New X-Men. C'est trop verbeux. C'est trop verbeux, Bendis. Ouais, c'est bien 6 épisodes. Il est trop dans le dialogue et dans la punchline. C'est un peu chiant, en fait. Je sais pas, ça dépend les titres. Il y a des titres que j'ai bien aimés, d'autres. Ah, moi, il y a des titres de Bendis que j'ai adoré. Mais son Gardien de la Galaxie est vraiment génial. Moi, bah, justement, je préférais All New X-Men que ses Gardiens de la Galaxie. Ah ouais? Ouais. Faudrait que je le relise au New X-Men, j'ai pas de souvenir. C'est la personne qui nous a dit il y a même pas 10 minutes que Iron Fist c'était bien. Mais ça finit, mais il est mauvais. C'est mon avis. Hein. Je propose qu'on le baïonne et qu'on fasse une émission Star Wars. Ah, Iron Fist c'est bien. La série bien télé aimé. Ouais. Voilà, bon, on va enchaîner avec vous, pas les séries télé, les news séries télé de Faye. Enfin, ouais, tu veux que je fasse la news série télé ou tu veux qu'on parle de Thor? Non, on va faire Thor en dernier. D'accord. Donc, série télé, bon, j'ai juste une petite news. C'est la chaîne Freeform, qui était avant ABC Family, pour ceux qui ne savaient pas, qui va faire une nouvelle comédie qui sera The New Warrior Feat Squirrel Girl. Oh putain. Donc, c'est apparemment une sorte de jeu de super-héros un peu. Bah, déjà, les New Warriors chez Marvel, c'est pas. C'est nul. Ah, vraiment, mais c'est voilà. Nul. Mais vu ce qu'ils annoncent, une comédie dans le sens ouais, trop drôle, là, là, là. Enfin, non, ça donne pas trop envie. La dernière série News Warriors, enfin, j'avais lu New Warriors sur, dans les mensuels Spider-Man, c'était il y a un an. Et j'arrivais pas à les terminer tellement c'était nul, vraiment. Mathieu, t'as peut-être un petit. New Warriors, ça fait partie de ces concepts qui marchaient pas mal dans les années 90, qui n'ont pas survécu. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. C'est C'était une équipe de sidekick, mais vraiment second couteau de second couteau. Ouais, c'était un peu funky, un peu coolos, mais voilà, effectivement, c'est un bon moment qu'ils arrivent plus à trouver, le concept marche plus, donc effectivement. Et c'était bien dans Civil War. De toute façon, vu la chaîne. Ouais, c'était bien, ouais, Civil War. De toute façon, je rappelle que la chaîne, c'est la chaîne qui diffuse Pretty Little Liar, qui a diffusé des trucs pourris comme le truc c'est de l'été dernier là. De ABC en fait. Oh, c'est pire. C'est pire que CW. C'est pire, ouais. C'est pire. Les séries de l'été dernier, c'était une horreur que j'ai regardé. Ok. Enfin bon, voilà. Bon bah voilà, bah ça nous a une nouvelle série qu'on ne regardera pas parce que ça va être nul à chier. Et enfin, peut-être que ce sera bien. On juge d'avance, tu sais. Bon, en tout cas, moi j'aime pas les personnages de New Warrior. Oui, moi non plus, j'aime pas les. Non, enfin, visiblement, c'est pas pour nous quoi. Après, voilà. Avec Squirrel Girl, c'est ça que t'as dit? Ouais. Ok, bah déjà, j'aime pas Squirrel. Enfin, j'ai rien contre Squirrel Girl. J'ai l'impression que ça va être très orienté public jeune. Hein, oui, bon. Au niveau de la quoi. Après, voilà, faut pas leur en vouloir. Ça vend beaucoup le comics à tous les niveaux, donc il touche un max de. Mais New Warrior, c'est pas un comics qui a vendu beaucoup aussi. Marche pas forcément. J'avais pas vu les je sais pas, il y a d'autres trucs à adapter de mieux quand même que New Warrior. Quoi. Qui c'est qui s'est dit New Warrior, ça a l'air sympa. Ah, peut-être que la franchise a pas coûté cher et puis voilà. Attends, on va tomber sur le façon, ça de leur New appartient. Warrior qui va nous chier dessus dans les commentaires. Déjà, de toute façon, ça leur a rien coûté parce que Freeform, c'est appartient à Disney donc. Oui, bah, tu vois, attends. La mini Justice League, là, comment les Teen Titans. Ouais, ça serait stylé, tu vois. Pas les New Warrior. C'est pas la même chose. Bah, je sais pas, c'est des équipes de sidekick quoi. Déjà, les Young Avengers, c'est mieux, tu vois. C'est plus, ouais, c'est bah, ça, bon, tout le monde a kiffé. Une série Young Avengers, je sais pas, ce serait très intéressant. Enfin, bon, c'est pas grave. on va passer à une autre news. Et moi, je vais vous reparler de Brian Michael Bendis, puisqu'il a annoncé le retour d'un des titres qui, moi, m'avait le plus. J'avais plus aimé de lui, justement. C'est Spider-Man, mais Spider-Man avec un E. Donc, Spider-Man, ça. C'est-à-dire plusieurs Spider-Man. Ouais, voilà. C'est le titre avec Sarah Pichelli au dessin où Peter Parker rencontrait pour la première fois Miles Morales et arrivait dans son univers et tout ça. C'était vraiment très très cool. C'était une petite mini-série. Je crois qu'il y avait 12 numéros. Ça date de 2012 et il a annoncé enfin une suite à cette petite mini-série et moi ça me hype beaucoup parce que j'avais vraiment kiffé ce petit run. Je crois que tu avais aimé aussi, tu l'avais lu tu peux redire Spider-Man, tu sais quand Peter Parker et Miles Morales se rencontrent, oui, alors oui, dessiné je l'ai par lu. Sarah Pichelli. Oui, c'était très sympathique, j'avais beaucoup aimé le... D'ailleurs j'aime beaucoup Sarah Pichelli. Oui, par contre on ne sait pas si c'est un peu l'ombre sur le tableau, c'est qu'on ne sait pas si Sarah Pichelli revient, elle, ce serait cool quand même. Bah elle est toujours sur Miles Morales en ce moment. Ouais, bah pourquoi pas. Bah, je pense que ce sera elle, ouais. Bah en tout cas, de toute façon maintenant Miles Morales, il est... Enfin... Ça a plus trop de. Oui, maintenant ils sont dans le même ils univers. Ils sont dans le même univers. Bon, c'est toujours pas expliqué pourquoi, mais. Mais peut-être ils vont expliquer pourquoi il est dans le. Mais ça va rien dire. Après Secret War, normalement. Ton explication, tu l'as. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Après Secret War, normalement, tout devait être mieux. Genre. Mais non, on a le Miles Morales qui, avec tout ses potes et tout son lycée, s'est retrouvé dans l'univers. Et... Le personnage de Oldman Logan aussi, il arrive. Ouais. L'explication dans le comic, c'est j'ai vu un flash, je me suis réveillé, j'étais à New York. Bah voilà, voilà Secret Wars. C'était un rêve. Secret Wars devait tout rétablir et rendre events, l'univers Marvel c'est plus les cohérent. Les events Marvel, c'est de pire en pire. Enfin, moi, depuis Avengers vs X-Men, déjà Avengers vs X-Men, c'était nul à chier. Mais vraiment, Secret Wars, ça a tout détruit l'univers. Enfin, il n'y avait plus rien de cohérent, quoi. Genre. Et donc bah, il a dit que le principe ce serait Spider-Man, donc Peter Parker, qui enquêterait sur le Spider-Man de la Terre 616. Bah, du coup, ils sont sur la même Terre. Oui, du coup. Ouais, la Terre 616, c'est la Terre des personnages Marvel. Ouais. C'est la numéro 616. Mais de toute façon, Spider-Man est déjà pas mal. C'est dans... vachement logique, pourquoi pas dire Terre 1 quoi. Parce que c'est la 616. Et des terrains, c'est déjà. En fait, c'est dans DC, les personnages de l'univers DC sont sur la Terre 1. Donc à mon avis, c'est pour. Je pense que là, s'il y a des amateurs qui nous écoutent, écoutez l'univers parallèle, c'est vraiment les trucs les plus compliqués à comprendre. Donc pour expliquer aux newbies, avant Secret War, donc tu vas chez Marvel, il y avait plein d'univers différents. Avec des versions différentes des personnages. Donc l'univers Ultimate, où il y avait des versions différentes. Des autres personnages. Ouais, qui étaient un peu plus modernes, quoi. Dont Miles Morales, qui était un Spider-Man bis, qui avait lui aussi des. Enfin, pas les mêmes pouvoirs, mais les pouvoirs de Spider-Man, et qui avait repris l'identité de Spider-Man, puisque dans Ultimate Spider-Man, Peter Parker meurt malheureusement en voulant sauver Captain America. oui, c'est un peu spoil, mais on sait pas. Et du coup, dans Secret Wars, les univers se sont rejoints. Bon, ça a créé un gros bordel, faut le lire, mais non, faut pas le lire. Mais en gros, ils ont tout remis tous ensemble et pour faire un mélange, une sorte de ratatouille un peu bizarre, et ça donne un truc complètement paradoxal maintenant. Et du coup, est-ce que vous aviez lu Spider-Man? Je l'ai pas lu, malheureusement. Ah non plus, ouais, Bendis, bon, ça va à rien. En vrai, je comptais le lire, mais bon, si je le lis, je l'achète, tu vois. C'est le genre de truc que j'ai pas envie de lire en scan. Moi, je l'ai acheté, je l'ai signé par Sarah Pichelli d'ailleurs, hein, puisqu'on l'avait vu à la Comic-Con, et ouais, c'est stylé, c'est cool. moi ça me hype, voilà. On va passer au t'es sorti. Ah non, on a le trailer de Thor, on va passer à une autre news. Et tu viens de dire ce que c'était, et c'est le trailer de Thor qui est sorti cet après-midi. Tout à fait, on est vraiment à fond dans l'actu aujourd'hui. Et vas-y, est-ce que tu veux nous résumer un peu ce qu'on y voit? Le trailer de Thor, alors qu'est-ce qu'on voit? Thor Ragnarok, le Thor 3. Voilà, donc on voit Thor qui est emprisonné apparemment sur une planète, qui se retrouve confronté à un personnage, mais d'une cool attitude, c'est Kate Blanchett, magnifique, qui arrive comme ça, et qui lui pète son marteau, les enfants, comme ça, elle l'attrape, elle le pète, je prends un accent, c'est magnifique. Et puis on voit qu'il va y avoir de la baston, elle annonce que Asgard est détruit, après on voit Loki, et puis on retrouve notre ami Thor qui est dans une arène, et en mode genre Gladiator, vous voyez, très magnifique. Avec Jeff Goldblum qui a un look... super, on voit un passage de Carl Urban chauve, mais putain de classe. On voit Idris Elba avec des dreadlocks. Bon, on s'en fout. Et on voit dans l'arène, donc, qu'il y a notre ami Hulk qui arrive. Et là, bah, il est content, Thor, il fait oh, c'est mon poteau et tout, super. Mais l'autre, il a l'air un peu vénère et il va vouloir le tabasser. Voilà, en gros, pour juste présenter le truc. Allez voir la bande-annonce directement. Voilà. Voilà, allez voir la bande-annonce. Et moi, j'ai envie de dire que ça m'a surpris parce que j'étais pas emballée par le projet. Mais là, en voyant la bande-annonce avec l'esthétique, on en parlait en off, je trouvais que l'esthétique et les couleurs, ça m'a fait penser à ce qu'on voyait dans la bande-annonce des Gardiens 2. Donc ouais, c'est vrai qu'on pensait à un lien peut-être. Ouais, ça a l'air vraiment de faire le lien avec tout le côté space opéra de Marvel. Et du coup, après, le truc, c'est que Thor, c'est un personnage qui vient de plus d'un truc fantasy, on va dire. Et là, le mettre dans un space opéra, c'est une sorte de gros délire en fait. Même au niveau du titre, ça se voit, tu vois, ça prend un peu une esthétique en mode Gardien de la Galaxie alors qu'on parle de Thor. Et c'est vrai que même dans le titre, t'as raison, c'est lié en fait. Ouais, vraiment. Alors, moi, j'attendais vraiment pas ce film. Plus j'en voyais, plus j'avais peur. Et en un trailer, ils ont réussi à me vendre le truc. Je suis hypé de ouf. Je trouve que vraiment, il y a un ton. Très fun et très Gardien de la Galaxie, et je trouve que ça vachement bien Thor. Je trouve du coup là on commence vraiment à avoir un peu un univers comme dans les comics, un univers cohérent où il y a des personnages qui peuvent se croiser comme ça, parce que là dans Spider-Man on voit il y a Iron Man, dans Civil War il y a tous les personnages alors que c'est un film Captain America, Thor on a Hulk, donc là on voit que tous les personnages se croisent au fur et à mesure, et là Thor ça nous amène vraiment vers Infinity War, j'ai l'impression. Bah, le bond de l'univers partagé quoi, les personnages qui se croisent, la continuité. J'ai une théorie, parce que vous pensez qu'on peut avoir une scène post-générique où on verrait apparaître par exemple un certain Chris Pratt? Mais à mon avis, dans Gardien de la Galaxie 2 qui va pas tarder, c'est sur le 26 avril, donc dans vraiment pas trop longtemps, à mon avis, il y aura un teaser à la post-générique, ce sera sur Thor Ragnarok. Déjà, ça a déjà été fait sur Doctor Strange, donc je pense pas. Ouais, d'ailleurs, cette scène, on en parlait, il y a des incohérences, on peut reprendre ça. Mathieu, tu es celui qui l'a vu le plus tôt, puisque tu l'as vu juste en arrivant. Il y a 10 minutes. Plus tard, oui. Alors moi, je vous dis depuis des mois que ça va être génial, hein, personne ne me croit, mais moi, je te crois. C'est le deuxième meilleur film de l'année après Star Wars. Wars 8. Alors moi je pense plutôt que derrière ils vont lancer Avengers, ils vont pas forcément faire un lien avec les Guardians et Thor. Après oui, effectivement le style un peu funky, néon, années 80, ça, je suis vraiment visuellement je suis vraiment curieux. Alors déjà j'espère que Juni a regardé la bande-annonce parce qu'on voit... Attendez, j'ai un message de Juni. On voit le casque de Ella. Qui m'a... Oui, ouais. Voilà, en fait j'ai envoyé un message parce qu'en fait Juni n'est pas là parce qu'il était à son stage. Il raconte la vie de ses employés. Exactement. Mais il m'a dit, alors je vous cite, que l'esthétique et l'ambiance ont l'air intéressantes. Je ne serais pas étonné si ça révèle aussi bon que Gardien de la Galaxie. On dirait un épisode de cartoon accès aventure, il était temps. Voilà, exactement. Le message de Juni. Donc voilà, il a l'air plutôt hypé comme toi, comme oui, tout le monde. Je suis vraiment curieux de voir comment est-ce qu'il va être accueilli par le public. C'est, effectivement, tout à l'heure, tu parlais de Marvel qui va arrêter les gros crossovers et les relaunchs auxquels on ne comprend rien. Là, effectivement, on est vraiment sur un produit qui a l'air décalé. Visuellement, ça a l'air impressionnant quand même. Ça a encore coûté ces 200 briques, hein, ce machin. Ouais, il y a quand même des petits trucs, moi, qui m'ont dit, mais bon, c'est la bande-annonce. Donc, on me dit, ils ont d'arranger, quoi. Mais ça a l'air décalé par rapport au reste, notamment par rapport aux machines que peuvent être Strange et Avengers. Je suis vraiment curieux de voir comment est-ce qu'il va être accueilli. Il y a des chances que ce soit une bonne surprise et que derrière ils enchaînent avec des projets de plus en plus originaux. Ouais. Et là qui explose le Mjolnir, ça dit que ça mène à des intrigues qui me posent pas mal de questions. Ça parle en comics, pas du tout. Bah, Thor, j'en ai pas trop lu, mais ça me dit rien. Après, bon, ils ont tendance à être basés sur des choses réelles, mais enfin des choses qui, des comics. Bah, ça envoie du pâté. Première scène, ça envoie du pâté déjà dans le jeu. Ouais. Le Hulk fait beaucoup penser, du coup, enfin c'est fait exprès, mais à World War Hulk. Ouais, bah oui. Je sais pas si vous l'avez lu, et franchement, enfin non, plutôt dessin animé quand il est dans l'arène, enfin le dessin animé, il y a aussi le comics Planète Hulk, ouais. Où genre Hulk se retrouve dans une arène après avoir été exilé par les super-héros, et je pense qu'il va y avoir un peu de ça aussi, parce que c'est un combat d'arène, et du coup là par contre ça intégrerait Thor en plus, mais donc par... je sais pas, ça sympa. Par contre moi je trouve qu'il y a... enfin, la bande-annonce pose des questions et suggère des incohérences par rapport à la fin de Thor 2 et la scène post-générique de Docteur Strange. Oui, parce que... Je suis super curieuse du coup de... Bon, je pense que la scène post-générique, faut pas forcément les prendre en compte, c'est là juste pour teaser en vrai. Ouais, je pense qu'il faut pas chercher à comprendre dans les films Marvel. Ouais, c'est non, pas mais déjà, que, déjà que les gars ils savent pas où ils vont, s'ils nous mettent des incohérences avec des scènes qui pourraient se passer. Et écoute, il y a la Warner à côté. Oui, bon. Par contre, une chose que je veux saluer, c'est qu'on a enfin une bande-annonce de film où il n'y a pas de Johnny Cash dedans, parce que j'en ai un peu à la casquette. Un petit morceau de Led Zeppelin qu'on vous passera juste après. Ouais, c'est Black Dog, non? Non, c'est Immigrant Song. Qui est vraiment très cool, donc vous l'entendrez plus tard. Et bah, tu vas faire tes sorties et après on va vous passer le morceau et on parlera du comics de la semaine. Ok, bah, au niveau des sorties, on va rester dans l'espace parce que j'avais envie un peu, pour vous préparer aux gardiens, au côté foufou, de vous conseiller. Bah, y a Warlock. Qui sort qui sort le 12, donc c'est Space Opera, c'est un personnage qu'on peut retrouver dans les Gardiens de la Galaxie, qui a été dans le Gant de l'Infini notamment contre Thanos, donc ça peut être assez intéressant. Donc c'est quoi comme c'est dessiné par qui, c'est... Alors j'ai noté, alors je connais pas bien les noms, excusez-moi, il y a Jim Starlin, oui. Donc l'un des créateurs de... Excusez-moi, je connais pas encore bien les noms, moi j'apprends. C'est Monsieur Cosmic chez Marvel. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est quand même une référence, donc ça peut être pas mal pour découvrir le personnage et en apprendre un peu plus. Ensuite, au niveau des sorties, toujours le 12 me semble-t-il, il y a Face, donc qui est édité chez Vaillant, donc on avait fait une émission spéciale dessus où on en avait déjà parlé, donc ça y est, ça sort. Le tome 1 sort, donc si vous voulez découvrir ce personnage là qui est donc une héroïne, super héroïne ronde, voilà, donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Et ensuite il y avait 3 sorties qui ont été recommandées par monsieur Mathieu, donc c'est les 3 que j'ai lu, ouais, voilà. Donc il y avait ça, c'est le truc à acheter cette semaine, bien sûr. C'est les Chevaliers de l'Ancienne République de l'univers légende Star Wars. Veux-tu nous en parler? Alors, je m'en souviens vaguement. Ça fait très longtemps. C'était donc, tu recommandes pas forcément. Du coup, ça sort chez Delcourt. C'est ça, je crois que c'est une réédition. C'est quasiment la fin de la série, parce qu'après, t'as encore une petite mini-série. Sur la fin, c'était quand même un peu moins funky, hein, je trouvais. Jedi là qui doit s'enfuir parce qu'il y a. Ouais, celui qui est très mauvais avec la Force. J'ai lu le premier tome, j'avais vraiment kiffé. Ouais, alors ça se finit au moment où il faut. Je pense, il n'y a pas besoin, il finit ses intrigues, c'est une vraie fin, donc c'est honorable. Si vous avez aimé le début, allez-y. Voilà. Ensuite, tu nous as donc choisi Black Science tome 5, me semble. Ah, Black Science, c'est cool. Ouais, ouais. C'est Rick Remender qui scénarise. Alors, Black Science, c'est une histoire de voyage dans des dimensions parallèles. Mm. C'est quand même très, très dense. Les personnages principaux, alors déjà, il n'y a pas un mec relativement bon. Ils sont tous plus ou moins complexes. Mm. Et ils se finissent par se recroiser eux-mêmes dans des réalités alternatives. Ça part quand même très, très loin. C'est bien barré. C'est dessinateur italien, je me souviens plus. C'est Matteo Scalera. C'est très, très, très bon. Ouais, bah, moi, j'avais pas trop accroché. Ah, moi, je trouve vraiment qu'il a un trait spécifique à lui qui est vraiment très anguleux. C'est franco-belge. Hein. C'est assez plutôt. C'est très indé, en fait, surtout. Ouais, c'est assez indé. Moi, c'est au niveau de l'histoire. Les couleurs, elles sont belles aussi. Ouais, les couleurs sont belles. Ouais, puis c'est quand même bien barré. Faut rentrer dans le récit, c'est pas facile. C'est Remender en même temps. Ouais. Voilà. Et dernière sélection, Tokyo Ghost, le tome 2. Alors moi, j'ai pas encore lu. Moi, j'ai pas aimé Tokyo. Enfin, après, c'est Sean Murphy, donc forcément, j'ai un peu kiffé. Les dessins sont jolis, mais le dessin. Enfin, c'est Remender aussi. C'est Remender aussi. Ouais. Je trouve ça un peu. Voilà quoi. Ouais, bah, moi j'ai bien kiffé. Hein. Bah, j'avais pas méga kiffé le premier, et en fait, ça se finit en deux volumes. Et il y a vraiment des choses dans le deuxième volume, notamment autour des personnages principaux. Où je me suis dit, oh putain, en fait, ouais, en fait, c'est vachement mieux construit que ce que j'avais l'impression. Ah, ok, bon, moi j'achèterais le dossier. Moi, j'achèterais. Il y a, puis, il y a vraiment une espèce de drame horrible à la fin. Que, alors, moi, pour le coup, j'ai été hypé par toute l'histoire. Bon, c'est quand même magnifique, Shane Murphy. Shane Murphy, c'est vraiment beau. Super beau. En deux volumes, c'est quand même une belle aventure complètement barrée. Tout l'univers Tokyo qui est. Enfin, bah, visuellement, c'est très impressionnant. Shane Murphy sur un univers un peu japonais et tout, c'est méga classe. Déjà que dans l'univers un peu post-futuriste, post-apocalyptique, c'était stylé, mais quand il arrive à Tokyo, je crois que les dessins ils étaient magnifiques. Ouais, il y a plein de voitures et de motos, c'est forcément. Sean Murphy, les motos, c'est celui qui est en noir et blanc, c'est ça. Moi, je l'ai en noir et blanc parce qu'il est en couleur aussi, mais moi je l'ai en noir et blanc et c'est vraiment c'est magnifique. Ouais. C'est super joli. Ouais. Puis, enfin, moi j'ai bien aimé le scénario aussi. Enfin, ça. Moi, je trouve ça un peu. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais je trouve ça un peu. Ouais, c'est bourrin. En gros, c'est dans un espèce de futur où la Terre est. On a fait n'importe quoi, nous autres humains, avec la Terre. Tu as la plupart de la population qui est branchée en ligne sur Internet, mais de longue dans des paradis artificiels. C'est des drogues, en fait. La nouvelle technologie est devenue une sorte voilà, de drogue. Et puis t'as des, du coup, voilà, t'as quand même un sous-texte par rapport à ça, avec le contrôle des médias, le contrôle absolument de la vie des gens pour qu'ils restent dans leur coin, complètement idiots. C'est des thèmes qui sont souvent abordés par Remender. Ouais, et voilà. Ça me rappelle un film avec Bruce Willis, c'est pas Clone ou un truc comme ça, où en fait t'as les gens, ils sont connectés dans des machines et en fait ça les transporte dans des clones d'eux-mêmes. Ah oui, oui, qui vivent leur oui, vie oui, à oui. leur place. Quoi. Bah, au niveau de la. C'était nul. Hein, de la dépendance à la technologie, ouais, c'est un peu dans ce style-là du coup. Mais ouais. Après, c'est pas des clones. Ouais, le plot de base est pas forcément génial, mais il y a un travail visuel qui est vraiment très impressionnant, et puis c'est en deux volumes. Après, ouais, le sous-texte, il est classique. À un moment donné, effectivement, ils arrivent à Tokyo, qui est l'une des rares zones épargnées avec de la nature, et on voit bien les personnages ouais, ambivalents. Pas de technologie, ouais. De toute façon, rien que pour Sean Murphy, ça vaut le coup de le ouais, voir. Mais c'est peut-être le meilleur travail qu'il ait fait, il y a vraiment des planches ouais. extraordinaires. Enfin, moi je trouve. Ouais. Je sais pas, entre Punk Rock Jésus Punk Rock Jésus quand même c'est énorme. Ouais, ouais. Punk Rock Jésus c'est mieux quand même. Ouais, visuellement je trouvais qu'il y avait des. Franchement, dans Tokyo Ghost, les bains de sang des fois c'est joli à voir. Ouais, ouais, ouais. Puis il a vraiment une homogénéité dans son travail malgré tout ce qu'il peut y avoir de différent dans le comics. C'est vraiment, vraiment travaillé en profondeur. C'est vraiment impressionnant. Ok, bon, on va passer à la pause musicale. Donc c'était Led Zeppelin Immigrant Song, donc qui était dans le trailer de Thor. Et on vous laisse apprécier ça. Et on revient juste après pour vous parler de I Hate Fairyland de Scotty Young. Drive my ships to new land. et c'était Led Zeppelin Immigrant Song. Vous êtes toujours en train d'écouter Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 pour les gens sur Montpellier, puis sur internet en replay, tout ça sur pour le reste du monde. On veut vous parler de I Hate Fairyland de Scotty Young. Je crois qu'il est tout seul. Non, il y a peut-être quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un qui colorise. Il y a quelqu'un qui colorise. Ouais. J'avais bouffé son nom, pardon. Moi non, moi aussi, je veux dire. Et ben, on va commencer avec le scénario. Et c'est Mathieu qui veut nous en parler. Ouais. Alors donc, I Hate Fairyland, qui est sorti chez Urban Comics le 3 février. C'est donc écrit et dessiné par Scotty Young, qui est un auteur de livres pour enfants, mais pas que. Il a aussi travaillé dans les comics. Il a gagné un Eisner Award, donc cette fameuse récompense pour les auteurs de bandes dessinées autour de son travail sur Le Magicien d'Oz, connu pour les fans de Marvel pour ses innombrables couvertures parodiques où il dessine les super-héros Marvel en forme enfantine, avec tout en dessous. Mais il y a un comics Avengers Baby, non? Et oui, là, il me semble qu'il a bossé. Après, c'est souvent des annuels ou des mini-séries. Il est sur Rocket Raccoon. Et là, il est sur Rocket Raccoon en ce moment. Et pour les histoires sur Oz, c'est du coup du comics ou du roman, parce que c'est du comics. C'est du comics, c'est ça. Ah, j'avais lu que c'était du. Et tu sais chez qui c'est sorti, parce que ça m'intéresse bien. Non, je me souviens plus, mais je crois qu'ils ont fait 4 volumes avec le nom du scénariste. Non, sur Delcourt, chez Delcourt peut-être. Ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait pas que ça soit paru en France, parce qu'effectivement, ça a eu très très bons échos, quoi. Donc il a le principe de I Hate Fairyland, c'est ça, c'est qu'on part de cet univers un peu visuel enfantin pour en faire un décalage total dans un espèce de délire trash, irrespectueux, gore et un bain de sang hallucinant. Alors le scénario, en fait l'histoire, c'est une excuse pour pouvoir faire quelque chose de très visuel et de très fun. On n'est pas dans du Warren Ellis ou du Alan Moore, c'est pas alambiqué du tout. On suit les pérégrinations d'une petite fille qui s'appelle Gertrude. Qui est une petite fille comme toutes les petites filles. Je préfère en français Gertrude. Gertrude. Ah ouais, je préfère Gertrude. Ça me rappelle Voyage au centre de la Terre, le film. Voilà, donc choisissez la référence enfantine. Choisissez celle que vous voulez. Dans la petite Gertrude, ouais, qui est une petite fille comme sans doute beaucoup de petites filles qui rêvent du monde extraordinaire, coloré, sucré, pays merveilleux, des créatures extraordinaires et qui a envie d'y aller pour vivre des aventures extraordinaires encore. Et elle finit par y arriver. Et elle a une quête initiatique à faire dans ce pays où elle est accueillie par la reine, et une quête qui doit lui permettre de trouver une clé pour revenir chez elle. Et tous les enfants arrivent à faire cette quête, hein. C'est juste histoire qu'ils repartent chez eux, l'esprit plein de rêves, sauf Gertrude qui n'y arrive pas parce qu'elle a un sens de l'orientation déplorable, et elle se perd, et donc on la retrouve 27 ans plus tard, avec exactement le même corps de petite fille, si ce n'est qu'en fait elle en peut plus, elle en a juste marre de la guimauve, des licornes, des dragons. Elle a une haine viscérale pour tout ce monde là parce qu'elle parvient pas à rentrer chez elle, et donc c'est elle est encore dans cette quête pour trouver cette clé, sauf que là elle a changé de tactique, et donc c'est une boucherie continuelle à coups de hache, à coups de tronçon, à coups de ce que vous voulez. Il y a toutes ces pauvres créatures de ces mondes imaginaires qui en prennent plein la gueule pendant tout l'univers, au point que ce massacre est telle qu'elle en devient un vrai fléau. Elle est connue dans ce monde magique pour être le fléau Gertrude, et donc c'est totalement irrévérencieux, donc c'est totalement parodique. Scotty Young sert les codes habituels du monde féerique avec ses reines bienveillantes, avec ses faunes, avec ses géants, avec le petit sidekick qui est là en l'occurrence une mouche totalement dépressive qui en a juste marre d'encadrer cette petite qui n'est pas foutue de trouver son chemin. Et par contre voilà, c'est une boucherie, les faunes se transforme en armée de zombies, les géants sont massacrés pour voir si la clé est pas cachée à l'intérieur de leur estomac, donc il y a du sang partout, et la reine bienveillante, au bout d'un moment elle en a marre, parce qu'elle fout le bordel partout la petite, et elle convoque tous les conseils magiques pour pouvoir s'en débarrasser et la tuer, parce qu'on n'en peut plus. Donc en gros voilà, c'est un délire pendant tout le roman graphique en fait, et effectivement comme on disait un petit peu en off, passer cette surprise, c'est drôle quand même, on rigole bien, on sourit, c'est quand même bien décalé, bien funky. Par contre, effectivement, moi je trouve qu'au bout d'un moment, ça a du mal à avoir un second souffle. Bah, à la moitié du comics, on en a un peu marre. C'est un peu redondant, voilà. Ouais. Il manque à un moment donné quelque chose qui va redonner un peu de punch, un peu d'intérêt au récit, parce qu'effectivement, là c'est un bain de sang continuel. On envoie dans la tronche à Gertrude tout ce qui peut exister, et ils en prennent plein la gueule de manière régulière. Bon, la fin est quand même cool. cool. Et ouais, assez... y a un petit truc qui arrive à la fin, mais c'est un peu trop tard. Toi. C'est un peu tard. T'as un peu en mode, oh, j'en ai un peu arrivé. Voilà, c'est ça. C'est comme la peut-être critique principale que j'irais, c'est que c'est moins. Moi, j'ai acheté pour Scotty Young parce que ce mec-là est génial. C'est un peu moins génial que ce que je pensais. Bon, ça reste quand même une lecture très très funky et très agréable. Mais c'est un bon dessinateur, mais c'est pas forcément un bon scénariste en fait. C'est peut-être ça, ouais, effectivement. Ça manquait vraiment dans la narration de trucs un petit peu plus. Un peu moins homogènes, qui changent un petit peu, qui t'apportent 2-3 surprises, 2-3 rebondissements. Ça manque un peu de ça. Faye, t'as un petit avis sur le. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien rigolé. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des choses qui se répètent un peu, ils auraient pu changer dans le massacre. Trouver un petit, comme tu dis, des rebondissements et tout. Mais quand même, j'ai trouvé que ça se lisait assez vite. Oui, par contre, oui, c'est une lecture fastoche. Oui, c'est D'ailleurs, le tome, il est vachement court, en fait. Ouais, mais donc, en fait, il est dispo à 10 euros, je crois, en ce moment chez Urban, donc vous pouvez y aller. Par contre, je trouve que ça ferait plus une bonne série animée, finalement, parce que même si des réputations, en série animée, ça passerait peut-être mieux. Et le dessin, je trouve qu'il s'y prête aussi, donc voilà. Je parle du dessin ou pas du tout ? Vas-y, balance sur le dessin, enchaîne. Tu vois, je faisais un peu... Ouais, c'est le pont, tu vois. Ça va pas durer longtemps. Hein. Bon, en gros, vous connaissez à peu près le style de Scotty Young. Enfin, si les gens pas, qui nous c'est, écoutent pas. Sûr. Il a un style où il dessine un peu des... En mode cartoony, des enfants. C'est très enfantin, un peu en mode... Ouais, c'est très cartoony, ouais. Un peu comme... un style un peu franco-belge à un mode Kid Paddle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est... du coup, là, ça crée un putain de contraste parce qu'on a une petite fille qui fait des bains de sang en permanence, du coup c'est hyper trash, ça crée une sorte de putain de contraste entre... Oui, il y a un vrai décalage entre... Un gros décalage. Après, c'est assez grossier, mais... après, on a... Scotty Young se donne la liberté vraiment de faire un peu tout ce qu'il veut, parce que c'est son univers, là, de féerie. Je crois qu'il s'est lâché, et du coup, il crée plein de petits monstres, plein de petits personnages différents, il se laisse la liberté de faire un peu ce qu'il veut. Et là, un dessin vachement fouillé, en fait, avec plein de détails. Plein de détails, mais de petits monstres, de petites créatures, de petites féeries, et les couleurs sont assez... ça me fait penser vraiment à des bonbons, en fait. Ouais. Rose bonbon, un peu. Tu sais à quoi ça m'a fait penser à, au monde de Ralph, le monde avec les voitures, là, c'est quoi, truc crush, enfin, c'est un peu genre Candy Crush. Candy Crush, ouais. Ah, du coup, vous mettez ces couleurs un peu pastel, rose bonbon, avec plein de sang, et voilà, c'est Scotty Young. Mais en fait, tu te rends compte que le visuel est peut-être plus intéressant que le texte, hein, le scénario. Ouais, oui, après, au niveau du scénario, ça me fait encore penser à un truc franco-belge, c'est genre une répétition de gag, quoi, c'est... À chaque fois, c'est un peu la même chose, quoi. Mais ça reste drôle. On a des jeux de mots assez drôles. En fait, il y a toutes les insultes, parce que Gertrude est très très vulgaire. Mais malheureusement, dans le monde de Fairyland, on ne peut pas être vulgaire. Donc toutes les insultes sont remplacées par des jeux de mots mignons. Et ça, c'est assez drôle, ouais. Il y a tout le délire autour. À chaque nouveau chapitre, vous avez un narrateur qui arrive pour. Ouais, au début de l'épisode. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle bute tous les narrateurs au fur et à mesure. Et ça, le narrateur change à chaque fois. Je trouve ça assez marrant. Le premier, c'est la lune qui explique la situation et qui finit complètement dézinguée par un tir de mitrailleuse lourde en plein dans sa gueule. C'est cool. Mais dans le même genre, oui, c'est pour les fans de South Park, pour les fans de Rick et Morty, pour ce genre de mais il y a un côté décalage. Un peu Akira Toriyama sur Dr. Slump, où justement t'avais ce côté un peu, tu vois, loufoque, avec les narrateurs qui viennent dans l'histoire, qui font n'importe quoi, qui se font ramasser par les persos et tout. Donc c'est ça qui est assez sympa, en fait. Ouais. C'est un gros délire. Ouais. J'avais vraiment peur qu'on n'ait pas grand chose à dire dessus, et on le voit qu'il est déjà 43. Et il y a quelqu'un qui a envie. Vous avez d'autres trucs à rajouter sur. Sur la BD ? Ouais. Non. Non, mais voilà, le style et le type de public, c'est vraiment spécifique. Si vous voulez une bonne barre de délire à 10 euros, tranquillou, ça le fait. Ça le fait bien. Ouais, puis c'est accessible pour tout le monde, je pense. Autant pour les amateurs de BD que pour ceux qui connaissent rien du tout, quoi. Ouais. Ouais, c'est divertissant. C'est pas forcément pour un public style comics. Je m'en dors parce que, c'est pas grave. On peut faire des coups de cœur. On va faire des cons coups de cœur. On va vous parler de. Moi aussi, j'en ai plein. J'aurais dû prévoir une troisième chanson, mais c'est pas grave. Ah, on enchaîne, vas-y. Non, mais j'ai des choses intéressantes. On va enchaîner avec les coups de cœur. Ouais, au moment où vous allez prêter. Je vais bientôt recevoir mon devis de Rogue One. Comment terminer les missions sur non, du Star Wars. Non, j'ai des choses intéressantes. Je suis en train de continuer de lire la biographie de Joss Whedon. J'en suis au passage, justement. On a un peu l'aventure de Whedon chez Marvel. Ouais. Et un peu ce qu'il devait faire avant. Et j'ai trouvé un truc intéressant juste avant Marvel. En fait, Whedon, il aurait dû faire un film Batman. Où dedans, en fait, il aurait inventé un nouveau méchant pour Batman. Et tout le film aurait été basé sur la relation entre les deux persos. Et en fait, on retrouve déjà à cette époque-là, donc c'était avant Avengers, on retrouve déjà la même mentalité chez Warner qu'on a maintenant, à savoir en gros qu'on lui a dit « Ah mais c'est bon, le scénario, on s'en fout, on fait notre truc, machin. » Et le mec, ils l'ont laissé pendant des mois et des mois sans lui dire « Retouche ça, retouche ci. » Et il s'est fait virer comme un malpropre. Vous voyez, il n'y a pas trop d'évolution. Je trouve ça dommage pour le mec, enfin Batman, qui a la galerie de vilains la plus classe de tout l'univers. D'inventer un nouveau, alors que tu en as des milliers qui sont géniaux. Ouais, là, pour le coup, j'aime beaucoup Josh Whedon, mais je pense que le projet aurait été mal reçu. Moi, le premier, tu me fais un film Batman, je veux voir le Joker, Bane, le Mystère. À nouveau, l'idée est bien, mais je sais pas si le projet aurait été quand même dans un comic Batman. Ça passe, mais voilà. Ouais, dans un comic ça passe, mais pas sur. Après, c'est couillu quand même. Hein, mais il avait fait tout un truc psychologique, en fait, c'est cette partie-là qui m'aurait intéressé plus que le méchant inventé. Mais je crois que c'est un peu tout, c'est l'histoire de sa vie. Il écrit le scénario d'Alien, il se fait niquer par Jean-Pierre Jeunet. On lui avait proposé de faire Wonder Woman aussi. Ouais. Et en fait, il avait fait plein de réécriture, et puis pareil, on lui a dit non, mais c'est bon, vas-y. Et là, sur Avengers, c'est pareil. Déjà, bon, il avait fait l'histoire, ça avait plu à tous les acteurs et tout ça, mais il avait dû refaire des trucs. Et sur le 2, effectivement, tout ce qu'il avait prévu, on lui a un peu retouché des choses au montage, comme on l'a dit, et des choses au niveau du scénario. Et donc, il y a des scènes qui sont pas du tout à l'image de ce qu'il pensait. Et je pense que la fameuse scène qui a fait polémique avec la veuve noire, ça fait un peu partie de ça aussi. Surtout qu'au départ, lui, il voulait pas mettre la veuve noire, il voulait mettre la guêpe. Ça aussi, on l'apprend dans la biographie. Donc, enfin, moi, je vous le conseille parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a aussi la façon dont Whedon il s'est mis à bosser avec Marvel au niveau comics, donc sur le fameux X-Men qui est excellent. Il a aussi bossé sur The Runaway, que moi je vous conseille. Et vraiment, ça explique un peu comment ça marche et tout. Donc, je trouve ça super intéressant. Et Astonishing, d'ailleurs, il est ressorti il y a une semaine ou deux en réédition avec une couverture très moche. De Lewis Trondheim, on s'est qui est très moche. Faut aimer Lewis Trondheim. Donc Lewis Trondheim, pour les gens qui savent pas, c'est un grand auteur. C'est plus un scénariste de franco-belge qui fait le Gang des Lapinous, ce genre de truc. Donjons et compagnie. Ouais, Donjons et Dragons. Mais oui, il a un dessin assez spécial qui est pas du tout comique. C'est là, il a fait une couverture de X-Men qui est pas super joli. Hein. Ouais. En tout cas, la biographie de Whedon, c'est passionnant et vous verrez comment ce mec, c'est vraiment un fan de comics et comment le comics, il a ancré dans pas mal. C'est chez qui, je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Est-ce que t'as un coup de cœur, Mathieu? Ou une attente, si tu veux. Ouais, vas-y. Alors, on a le temps de toute façon. Juste pour une fois, petit truc Japanimation. C'est la semaine dernière, commencé la deuxième saison d'Attack on Titans. Ah, j'ai regardé aussi. Parce que moi, j'ai bien aimé la première saison, c'était plutôt cool. Et il y a la deuxième saison, troisième saison de Berserk qui a commencé aussi. Le manga culte de Dark Fantasy ultra violent. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en comics, j'ai lu The God Dame de Jason Aaron et R.M. Guerra, donc la fameuse équipe qui est derrière l'autre comics Sculpt dont on parle ici de temps en temps et que je surconseille. Putain, j'ai acheté le premier de l'intégrale, c'est vraiment génial. Ouais, là, c'est vraiment les yeux fermés Sculpt, c'est juste bon, quoi. Et The God Dame, donc ça parle de Cain qui se retrouve à errer dans une espèce de wasteland, de désert après que les humains se soient fait barrer du paradis. C'est entre deux eaux, c'est entre quelque chose d'excessivement réaliste et toute la mythologie biblique autour de la fin du jardin d'Éden et du fait que les hommes doivent se démerder tout seuls. Et c'est ultra violent, c'est vraiment bourrin, mais c'est de la violence. C'est pas gratuite, il y a une mini réflexion derrière avec l'humain, encore le mortel qui s'est fait jeter du paradis et qui doit se débrouiller tout seul et qui redevient quasiment un animal. Et au milieu, Cain qui veut mourir parce que c'est à cause de lui que tout ça est arrivé, parce que c'est lui qui a fait le premier crime, qui ne peut pas mourir, puni par Dieu. Il y a Noé au milieu, c'est un mix de Mad Max biblique, c'est assez puissant. R.M. Guerra au dessin, c'est très cru. Tiens, tu me rends du rêve là. Ouais. Moi j'étais vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à grand chose du pitch. Et pour l'instant, moi je l'ai lu d'un trait, ça tient aux tripes. C'est vraiment vraiment cool. Je pense que ça sortira en VF sous peu. Okay. Et ben, on attend beaucoup, beaucoup ça. Juste pour préciser, j'ai vérifié, c'est chez Glénat qui est sorti. Chez Glénat Rémi Pascal. Voilà. Mais pas celle de Sony. D'accord, une autre Amy Pascal, voilà. Une qui n'est pas raciste, voilà. Et qui n'est pas... Et par contre, l'attaque des titans, moi ça m'a gavé la... Moi l'attaque des titans, en fait, j'ai regardé le premier, c'était vraiment cool. Après, il y a des révélations dans ce premier épisode, qui m'ont fait halluciner. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre 40 ans qu'ils ressortent, donc je crois que... Mais j'en suis à la fin là, j'ai enchaîné tout, je suis à jour sur Attack on Titan au niveau des scans. Et l'univers part un peu en couille au bout d'un moment. Il y a des trucs. Je spoil pas, mais il n'y a pas des super bonnes nouvelles qui arrivent. Ah mince. Bon, au bout d'un moment, mais ils crèvent tous au bout d'un moment, alors il faut arrêter. De la saison 1, c'était ça, quoi. Ouais, mais du coup, c'était. Non, mais ça continue pareil, ça c'est pareil. Je trouvais qu'ils arrivaient à renouveler l'intérêt assez. Mais c'est au niveau de l'univers. Comment il s'en sort avec son univers. C'est intéressant, mais c'est bizarre. Mais en fait, moi je suis peut-être à force de voir un truc, mais genre au bout d'un moment, je suis là, un mort. Par contre, l'animation, c'est toujours c'est fou quoi. Ouais. On comprend qu'on a attendu 3 ans entre les deux, c'est vraiment. L'animation est vraiment, vraiment folle. L'animation, elle est de qualité. Hein. Oui, bah oui. Après, je trouve qu'il y a des trucs prévisibles, genre ce qui se passait à la fin de saison 1, je me doutais quoi. Ouais. Thomas. Moi j'ai un coup de cœur et une attente. C'est pas dédicace, j'espère. Non, j'ai essayé. J'ai une attente, mais enfin il vient de sortir à l'instant. Enfin, vraiment, il y a quelques jours, Paper Girls, dont vous avez déjà parlé. Ouais. Et dernièrement, mon dernier coup de cœur, parce que j'en ai pas eu beaucoup, un truc que j'ai lu dernièrement qui vient de sortir récemment, c'était la nouvelle édition de Arm X en grand format. Ouais. Et c'était Mathieu qui en avait parlé. Le Barry Windsor Smith. Ouais. C'est... Et elle vaut le coup cette réédition ou pas? Vraiment, ouais. Par contre, c'est un peu compliqué à lire parce que du coup, c'est hyper grand. Mais après, c'était... J'ai pris bien le temps de le lire, tout ça, et c'est vraiment une expérience en fait. Ce comics, c'est graphiquement, t'es dans un univers assez spécial quand même, rien qu'avec les couleurs. Ça te met dans une sorte d'oppression un peu, tu sais pas ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et j'ai beaucoup aimé, c'était assez expérimental comme comics, c'était assez nouveau. J'ai rarement lu un truc comme ça, à part comme des genres de comics un peu expérimentales comme Arkham Asylum ou des trucs comme ça. C'est vraiment un truc où ça te met dans une ambiance et t'en ressors pas indemne, quoi. T'as vécu quelque chose pendant une... Ouais. C'est ce que disait Mathieu, que c'est... Ouais, c'est vraiment particulier, mais le parallèle avec Arkham Asylum, effectivement, c'est exactement ça. Ce sont des auteurs qui ont pris quelque chose de très mainstream, de très comics, et qui en ont fait un machin indé totalement différent et avec une vraie identité et visuelle et narrative. Bah c'est cool. Et c'est vraiment puissant, ouais. Ça donne envie de le lire. Ouais, vraiment, je recommande du coup. Alors, moi, du coup, j'ai regardé Attack on Titan, mais surtout, j'ai découvert 14 Reasons Why sur Netflix. Et je vois déjà Faye qui tire des grands yeux en mode il en parle encore, il nous fait chier, il va faire chier tout le monde avec ça. Il y a Michael Cera dedans ? Non. Non, il n'y a pas Michael Cera. Pourquoi il y a Michael Cera ? Je sais pas, je croyais. Michael Cera, il est dans Arrested Development, une série. Mais... Très bonne série d'ailleurs. C'est une série de Netflix à bonne, hein, je suis dû me tromper. C'est une série produite par Selena Gomez, mais étonnamment, elle est bien là. Alors, pour vous pitcher un peu, bon, c'est assez anxiogène, donc c'est une. Attends, t'es dans la bonne humeur, tu gâches la fin de l'émission. Je gâche un peu la fin, mais c'est pas grave. Donc, c'est une fille qui se suicide, qui est au lycée, qui subit un peu de harcèlement. Un peu, et un peu de slut-shaming pour nos amis anglophones qui. Enfin, elle se fait insulter de salope, ce genre de truc. Ah, voilà. Et du coup, elle se suicide. Et elle laisse derrière elle 13 cassettes. 6 cassettes avec une double face, 13 faces. Qui sont chacune destinées à une personne en spécifique pour lui dire je me suis suicidé un peu à cause de toi et je vais t'expliquer pourquoi. Et en fait, elle va faire passer ses cassettes à plus d'une série de personnes. Est-ce qu'elle nous explique comment elle fait 13 faces avec 6 cassettes? Bah en fait elle a 6 cassettes, sur une face et après elle retourne la cassette, derrière t'as une deuxième face. C'est 12 ou c'est moi que je suis con? Non, ça fait... Non mais je pense qu'il y en a une en plus, donc ça va faire 7 cassettes. Oui, parce qu'il y en avait 14, oui. Parce que ça fait 14 parce que le mec il enregistre après. Tu viens de spoiler. Tais-toi, bon. Je te déteste, James. Donc on tombe sur un personnage qui s'appelle Clay, qui commence à écouter ses cassettes, il ne comprend pas pourquoi lui il est nommé, parce qu'il pense ne rien lui avoir fait, et au fur et à mesure on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait des choses à cette fille, et c'est un truc qui vraiment, bon, c'est, vous allez pas ressortir indemne de la vision de cette série, parce que c'est vraiment très cru. C'est pas gore, mais il y a des scènes qui vont vraiment, moi, qui m'ont vraiment bouleversé. c'est très violent et je pense que c'est une série qu'il faut montrer à tous les jeunes qui sont au lycée en ce moment, qui ça leur ferait comprendre certaines choses, pas qu'aux jeunes, aux adultes aussi, pour les gens par exemple qui ont subi du harcèlement ou qui sont sans s'en rendre compte, comme François Fillon un peu, ouais voilà peut-être. C'est gratuit ça. Ça c'est pas assez pour moi, ça c'est la mienne. Donc enfin bon, je vous conseille vraiment cette série, c'est pour vous prouver que c'est cool. On a commencé à la regarder à 14h le samedi où c'est sorti et on a fini à 1h ou 2h du matin. Non mais t'es mythomane à fond toi. À quelle heure on a fini? On a commencé à 13h, on a fini, c'était genre 22h et quelques. Tu crois? Je pense que c'était plus tard que ça. Mais non, t'es marseillais. En tout cas, on a enchaîné les 13 épisodes d'un coup. Binge watching. Voilà, et vraiment c'est assez génial. Et on va finir sur ça. Je vous rappelle que vendredi prochain, on enchaîne. Non, ce vendredi. Ce vendredi, nous enregistrons la prochaine émission de. Non, nous serons en direct. Toi, tu vas en prendre une, hein. Ouais, bon, vas-y. Alors, ouais, n'écoutez pas James, parce que vous embrouillez, écoutez-moi. Donc, vendredi 14 avril, je vous donne rendez-vous à 14h pour la première de Geek en série avec une équipe de folie. On va vous parler de séries télé, parce que les séries, c'est génial. On va débattre, théoriser, ça va être super. Et en plus, si vous ne pouvez pas écouter en direct, vous pourrez retrouver l'émission sur vos plateformes favorites de téléchargement et de streaming. Voilà. Et comme la semaine prochaine, nous sommes fériés, donc c'est le, je sais plus quel. Le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, voilà. Voilà. Et comme la radio est fermée, on va faire une rediff et on va vous rediffuser Geek en série de la. Comme ça, vous aurez une idée de à quoi ressemble l'émission si vous avez envie de l'écouter. Et voilà. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous parler de comics. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur le site internet comicsdiscovery.fr. N'oubliez pas que si vous nous écoutez en replay sur iTunes, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, ou même sur Facebook ou sur Twitter, mais un petit commentaire, et nous mettre 5 étoiles, ça nous fera plaisir. Et pourquoi pas proposer des titres, ça peut. Exactement, nous proposer des titres à écouter. On va enchaîner, nous on vous laisse pour les gens qui écoutent la radio. Après, ça va être Sport & Chill qui va nous parler de tennis, parce que la France, je crois, est qualifiée. Qualifié pour la Coupe Davis et le football. Demi-finale de Coupe Davis, la précédente. Voilà, exactement. Donc, on va vous laisser avec l'équipe de Sport & Chill. On vous donne rendez-vous. on vous donne rendez-vous vendredi pour la rediff. Vendredi matin. Oui, tout à fait. 9h pour la rediffusion de l'émission. Et vendredi après-midi à 14h pour Geek en série. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. Et on vous laisse avec The Weeknd. Et je sais plus le titre de le. Je crois que c'est I See I Coming. C'est avec Daft Punk. C'est avec Daft Punk, voilà. On vous laisse avec Daft Punk. Cool, ciao. You are not the single type, so maybe this is the perfect time. Trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone.